Bonjour Bimomo. Bonjour Maître Souk, comment allez-vous? Très bien, et vous Bimomo? Impeccable, nous sommes ici en direct de Châteaudun. C'est le bordel, c'est la guerre. Alors oui, bien sûr, comme dit notre président. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Est-ce que Bimomo, vous pouvez vous présenter, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne vous connaissent pas. Alors bonjour, moi je m'appelle Bimomo, je suis interne actuellement aux urgences de Châteaudun. Et voilà, j'ai 27 ans, mon numéro c'est le 07-51-65-13-03. Si vous êtes blonde à forte poitrine, je suis intéressée, bien évidemment. On en profite, hein. Bien sûr, j'espère que chères auditrices ou chers auditeurs, vous avez noté le numéro de Bimomo. Alors Bimomo, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe en ce moment pour toi, au niveau du travail? Alors, figurez-vous que la région de Centre-Val-de-Loire est une des régions les moins touchées, en particulier l'Eure-et-Loire, là où je suis actuellement. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais on les sent arriver à grands pas. Depuis le début de la semaine, quelques cas ont été décelés, au nombre de 7 positifs avérés, envoyés directement sur le CHU d'Orléans et de Chartres. Ils sont actuellement en réanimation. Je n'ai pas d'autres informations actuellement. Hier, plusieurs cas ont été vus, non graves, retour à domicile, confinement impératif avec port de masque, c'est tout. D'accord, donc pour l'instant, c'est... Voilà, ça se passe très bien actuellement, il n'y a pas beaucoup de cas sur Châteaudun, mais pour avoir eu des échos de Tours, de Orléans et de Chartres, c'est blindé, les services de réanimation sont débordés, le plan blanc est en place... Et c'est la merde. Donc, voilà. Comment... Donc là, tu sens qu'il y a une vague qui arrive. Il y a une vague qui arrive, ouais. Et Une grosse vague qui arrive. Ça va être exponentiel. On est prêt à Châteaudun. On a tout modifié, toute la surface des urgences. Et on est prêt à les accueillir. Alors, il y a une auditrice, Chloé Le Soulier, qui demande, et très bonne question, qu'est-ce que c'est le plan blanc? Le plan blanc, c'est le plan qui, c'est une sorte de changement total de l'organisation de l'hôpital avec une réorganisation des services, réorganisation des lits pour faire face à des épidémies. Pas forcément des épidémies, des maladies, ça peut être, je parle d'avion, un crash d'avion avec 300 personnes qui arrivent, un attentat, des choses comme ça pour accueillir plein de malades divers et variés en un temps record avec réquisition des services de réanimation, des trucs comme ça pour que ça se passe au mieux. Alors il y a une question de François qui demande s'il y a un rapport avec Laurent ou Michel Blanc. Oui, Laurent Blanc, tout à fait. C'est lui qui a créé... C'est le fondateur, le fondateur en 1985 qui a créé le plan blanc, Laurent Blanc, tout à fait. Donc, en fin de compte, t'es plutôt content d'être à... c'est quoi le nom de la ville? À Châteaudun. Châteaudun. On est content, mais en même temps, on n'est pas content parce que c'est un petit hôpital et qu'on n'a pas de moyens et qu'on n'a pas de service de réanimation. Donc, plus ils arrivent et plus c'est la merde et moins on peut les entretenir. On n'est pas réanimateur, on est urgentiste, donc c'est la merde. La merde arrive. Donc là, oui, si on ne peut pas transférer nos patients vers les gros centres, on va être obligé de les garder dans un service confiné avec des respirateurs, quoi, des intubés, ventilés. Et quand on ne pourra plus les maintenir, ou alors quand on va devoir sauver les plus jeunes ou les plus les moins à risque, ça va commencer à devenir catastrophique. On n'en est pas là, bien heureusement. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs qui nous écoutent? Restez chez vous, hein. Voilà. Allez pas voir vos parents. Ou les gens fragiles, les immunodéprimés, les gens qui ont déjà des pathologies respiratoires. de l'asthme, des problèmes avec le tabac, des choses comme ça. Restez chez vous, ne leur crachez pas à la gueule non plus, ce serait sympa pour eux. Oui, donc là, je pense voilà, à... Vous pouvez très bien prendre des nouvelles par téléphone, c'est tout à fait possible. Je pense à un intervenant qu'on a eu dans la semaine qui s'appelait Hubert Martin. Si vous voulez réécouter son témoignage, il est en podcast, vous pourrez le trouver sur le Facebook de la Radio des Boncons. Bimomo, on a une question de la part de Chloé Soulier encore qui demande si vous avez eu des échos de d'autres collègues internes, comment ça se passe pour eux en tant que jeunes médecins, donc qui sont dans des hôpitaux ou beaucoup plus touchés. Ouais, ça se passe plutôt bien. En général, ils sont bien supervisés, mais faut faire gaffe, quoi. Toutes les mesures de précaution sont prises. Évidemment, mais globalement, c'est la merde partout. Hein. Faut accueillir plein de malades potentiellement graves, les trier. Je sais qu'à Tours, tout le personnel est réquisitionné, les externes, les internes, tous les services de spécialité sont fermés, toutes les consultes non urgences sont annulées, et le personnel est donc réquisitionné pour aider aux urgences ou alors aux avant-postes, les centres de tri Covid. Ils trient avant de les envoyer soit vers l'unité Covid spécifique où il n'y a que des Covid et donc pour pas, de toute façon ils sont tous contaminés donc on s'en fout, ils peuvent rester ensemble, ou alors les envoyer vers les urgences normales où ils sont pas suspects. Ça se passe comme ça. Si la question c'était sur le plan humain, comment est-ce qu'on ressent l'épidémie, eh bien bah ça va, moi ça va, je ne sais pas trop les autres, mais je pense que ça va, il y a des cellules de crise psychologique pour le personnel soignant, si besoin. On n'est pas dans la merde, on nous lâche pas dans la nature, donc c'est rassurant de ce point de vue-là. D'accord, d'autres merci. Questions. Est-ce que moi j'ai une question, oui. Madame Le Souli. Est-ce qu'elle est blonde à forte poitrine? Est-ce que qui? Non. En auditrice? Moi? En auditrice, à Madame Le Souli. Ah, moi? Ah non, Le Souli, pardon. Chloé. Ah, Madame Chloé. Chloé Le Souli, pardon, excusez-moi. Hein. On lui demande de. Elle nous écoute, donc elle pourra nous répondre sur le chat, parce que je ne la connais pas, donc je ne sais pas. Peut-être qu'elle peut nous envoyer une photo, comme ça on pourra voir si ça vous intéresse ou pas. On a une question pour vous, Bimomo, de la part de Théro, qui demande si vous avez un message pour Macron qui nous écoute. Qui commence à se bouger un peu plus le fion, ce serait sympa. Ramenez-nous des masques, hein. C'est la merde, c'est la pénurie, on n'en a plus. Des masques FFP1 et FFP2, on sait qu'il y a une cargaison qui est censée arriver de Chine avec 1 million de masques. On n'a toujours pas vu la couleur, on aimerait bien la voir. Voilà. Donc c'est surtout les masques, est-ce que vous manquez d'autres matériel ou... Des masques, des respirateurs, faut anticiper quoi. Mm-hmm. Pour l'instant ça va, on n'en manque pas spécialement, mais on en manquera toujours, donc il faut en récupérer là un max. Et qui commence à foutre des amendes aux Parisiens, ce serait sympa, pas que aux banlieusards de Seine-Saint-Denis, qui n'ont rien demandé et qui font pas plus, pas moins que les autres connards de Parisiens. Des voilà. Amendes. Des amendes de 135 euros, comme vous êtes tous au courant. Pour par rapport aux sorties interdites. À tous ceux qui ne respectent pas le confinement. Et comment ça se passe à Châteaudun? Les gens sont respectent le confinement? Comment tu vis cette Comment vous dire, déjà à Châteaudun, il n'y a pas grand monde dehors de base, mais alors là, c'est désert, absolument désert. J'ai dû croiser 2 personnes depuis 3 jours là, dans la rue, des gens qui promènent leurs chiens et puis c'est tout. Globalement, ils ont l'air de plutôt bien respecter. Alors, après, c'est pas non plus le bled le plus peuplé du monde, quoi. On a une. Alors, c'est pas une question, c'est un petit message pour vous, Bimomo, de la part de Corolla, qui dit Bimomo, j'ai décidé de porter le t-shirt qu'on a en commun en ton honneur. Merci à toi et tout le bonheur que tu nous apportes. Très bien, dites-lui que je le porte également actuellement. Ah, c'est incroyable c'est ça. C'est pas une blague. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est la magie de la radio des bons cons. Bravo Corolla. Très bien. Alors, une question de Loyo maintenant. Loyo vous demande, comment va se passer la suite de votre internat? Vous êtes réquisitionné jusqu'à nouvel ordre? Eh ben, on était censé faire 6 mois aux urgences, puis 6 mois chez le médecin. Là, on va plutôt faire 8 mois aux urgences et 4 mois chez le médecin généraliste pour valider la première année. Et Donc, là, nos stages, nos changements de stage qui étaient prévus début mai sont repoussés à début juin. Et potentiellement début juillet, sachant qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et est-ce que vous avez une estimation? Non, vous n'avez pas. C'est ce que vous venez de dire. Excusez-moi. J'allais vous demander. Du coup, si vous saviez un peu jusqu'à quand ça allait durer, mais c'est difficile de savoir en fin de compte. C'est difficile à dire, mais 15 jours, faut compter plus un mois. C'est presque une certitude. Après, plus longtemps, j'en sais rien. Ça dépendra de comment les gens. Respecte les consignes et comment le virus se répand. Alors, de toute manière, il y aura une grosse vague qui est en train d'arriver. Le pic d'épidémie est toujours pas atteint. Donc, on attend le pic et puis après, ça va tranquillement descendre, mais on sait pas combien de temps, quoi. On a une question de François qui demande, il veut savoir si on est plus une personne à risque pour le Covid-19 quand on est allergique à la banane et plus particulièrement à la banane macérée dans un rhum arrangé? C'est une très bonne question. Je pense que lorsqu'on est allergique à la banane, on est dans la merde. Il faut surtout rester chez soi et ne pas manger de banane. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Et surtout, éviter de boire des rhums arrangés à la banane. Quand on est allergique, c'est plus correct pour ton organisme. Oui, et c'est dégueulasse. Mais c'est super bon, cela dit. Non, c'est super bon. On continue cette émission. Si vous avez des questions à poser à Bimomo, allez-y. J'attends vos questions. En tout cas, sur Radio Bon Con, Bimomo, sache que nous, on encourage les gens à rester chez eux, à écouter la radio des Bon Cons toute la journée. Et ça marche plutôt bien parce que j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui avaient prévu de faire des choses pendant ce confinement et qui, en fin de compte, ne faisaient rien à cause de la radio des Bons Cons. Donc, si toi, pendant ton travail, t'as un moment, un petit coup bas, t'as envie de te détendre, n'hésite pas à te brancher sur la radio des Bons Cons. Je pense que ça peut te faire beaucoup de bien. Une dernière chose, je voudrais inciter le dit François à se renseigner un peu plus sur la bananadine qui est un psychoactif extrait de la banane, qu'il aille se renseigner sur cette petite cuisine, ma foi, fort intéressante. Voilà. D'accord, donc merci pour tes conseils. On a encore quelques questions pour vous, Bimomo. De la part de Loyo qui demande « Pourrez-vous nous signer des arrêts maladie quand vous serez en exercice ?» Très très bonne question. Je peux signer des arrêts maladie actuellement. Mais pour avoir un arrêt maladie, il faut être malade. Voilà. D'accord, donc on reste sérieux là-dessus. Quoi qu'il en soit, si je fais un arrêt maladie et que vous êtes pas malade ou que l'excuse est pas valable, il sera refusé et vous serez pas payé. Donc, faut avoir une sacrée bonne excuse et que ce soit accepté par la CPAM. Alors, une question de Zouzoute, la Zouzoute qui demande Bimomo, un petit mot à Nono qui nous écoute peut-être. Un petit mot à Nono qui nous écoute, Poulpe. Très bien, merci. On continue les questions. Alors, Théro, pouvez-vous reformuler votre question? J'ai pas bien compris, ou alors si je dois la poser comme ça, dites-moi. Laura Violi qui demande, Bimomo, est-ce que tu suis la chronique Beaucon. C'est la chronique beauté de Radio Beaucon. Si oui, qu'as-tu fait pour le mono ? Je ne suis pas à la chronique, mais c'est intéressant. Je file me renseigner de ce pas. Donc, je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur... vous allez sur le Facebook de Radio Beaucon et puis il y a une petite publication d'épinglée tout en haut de la page et puis il y a le lien pour les podcasts. Une question de Vroom Vroom qui demande si l'alcoolisme est une maladie et si c'est valable si nous sommes ivres. Ben oui, l'alcoolisme est une maladie. Est-ce que c'est valable si on est bourré ? Et une question de Loyo qui demande si l'excuse de la gueule de bois est une bonne excuse. Oui. Oui, c'est une très bonne excuse. Théro vous demande, Bimomo, d'où vient ce surnom Bimomo ? C'est une très bonne question. Bien, je vous invite à demander à Léna, puisque c'est un peu chiant de répéter 50 000 fois la même histoire. Voilà, des jeunes bourrés dans un festival qui n'arrivent plus à articuler un prénom, tout simplement. D'accord, bon. Bimomo, je vous remercie pour votre témoignage très intéressant et pour d'avoir pris le temps de participer à cette émission alors que vous êtes... Vous travaillez tout. Est-ce que vous travaillez pas demain, j'imagine ? Peut-être que si. Je travaille demain. Si. D'accord. Vous avez un jour de repos par semaine ? Deux. D'accord. Donc peut-être qu'on pourra revenir vers vous prochainement. Comme ça, vous pourrez nous faire un petit état des lieux. Donner des nouvelles. De Châteaudun. Oui. Eh ben, c'est un plaisir de discuter avec tous les bons cons. Qui nous écoute ce soir. Un grand merci pour leur soutien. Et restez chez vous. Bien sûr. Bien. Merci beaucoup, Bimomo. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On continue cette émission. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre prochaine invitée. Voilà, je vous dis à tout de suite. I know.